en guerre, qu'il insistait tant sur la seule possibilité alors, pour répondre à la menace, de renoncer, jusqu'à un certain point, à toute tentative visant à justifier la légitimité des principes eux-mêmes et de se placer du point de vue de ce qu'il n'hésite pas à appeler une perspective idéaliste, voire mystique, de la démocratie, qui le conduit notamment à rappeler, je cite, que dans l'ordre spirituel, la caractéristique de la démocratie est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu et supérieures à tout intérêt individuel ou collectif, valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité et la raison. Page 51. Mais ainsi que je le faisais alors remarquer, cela n'empêchait pas Binda, dans le même temps, de se livrer à une analyse très précise et dont les enseignements continuent à mon sens d'être très précieux, des principales menaces qui pèsent sur la démocratie et de proposer des remèdes tout aussi judicieux pour s'en protéger. Il est donc incontestablement des moments où on peut avoir l'impression, en effet, que la question de la justification des principes a quelque chose de naïf, voire de déplacé ou d'indécent, et qu'elle doit en effet, comme je l'évoquais au début, peut-être s'effacer lorsque nous sommes en état d'urgence. Par quoi l'on pourrait conclure que s'il est parfaitement légitime, voire nécessaire, de s'interroger sur la légitimité des démocraties, bref, d'avoir une réflexion sur la démocratie parfaitement adaptée pour les temps de paix, il serait inutile de proposer ce genre de justification en temps de guerre et qu'il vaudrait donc mieux s'employer à dégager les axes d'une réflexion plus historique, plus descriptive, mais mieux adaptée pour une démocratie par gros temps. Mais d'une part, ce que j'espère vous avoir montré, c'est que j'ai davantage proposé une défense moi-même de la démocratie, que je n'ai proposé un examen de ce en quoi devrait consister la légitimité de la démocratie. Et d'autre part, ce n'est pas non plus tout à fait la leçon que tire Binda, qui écrit, je le rappelle, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Je vous passe les détails sur la difficulté de sa situation. C'est même tout le contraire, puisqu'il soutient la nécessité, dit-il, d'une conception idéaliste de la démocratie, la seule à ses yeux qui vaille. Or, n'est-ce pas précisément ce dont nous faisons actuellement et cruellement l'expérience ? Peut-être que la seule manière de combattre, c'est, comme il le préconise, de ne pas sombrer dans l'angélisme et donc d'armer le bras de nos démocraties pour les défendre. C'est un petit peu en me plaçant dans une perspective de cette nature que je souhaiterais donc vous présenter quelques brèves remarques en guise de conclusion, nécessairement provisoire, sur les thèmes que nous avons essayé d'aborder dans le cours et le séminaire de cette année. Commençons par observer que Julien Binda n'insiste pas seulement sur les principes spirituels qui caractérisent la démocratie, il souligne aussi quels en sont les principes politiques, dont le trait dominant, dit-il, je cite, est le respect de la personne humaine, la volonté de lui conférer, parce que personne humaine, un caractère d'inviolabilité. La devise de la démocratie serait volontiers, dit-il, aussi longtemps que l'indignité d'un homme ne m'est pas prouvée, homo homini deus. Ce trait se perçoit dans la conception démocratique, premièrement, des rapports des citoyens entre eux, deuxièmement, des rapports des citoyens avec l'État, troisièmement, des rapports de l'État avec les autres États, et peut-être n'est-il pas inutile de nous en inspirer pour une part. S'agissant d'abord des rapports des citoyens entre eux, tout d'abord, dit Binda, il faut insister sur l'idée que les membres d'une société y admettent une limitation réciproque de leur sphère d'activité. Limitation que la démocratie a le droit, voire le devoir, de faire respecter, fût-ce par la force. Reprenant l'introduction de la doctrine du droit de Kant, dans lequel Kant affirme que, je cite, « le droit est l'ensemble des conditions qui limitent les libertés pour rendre possible leur accord », principe du kantisme dont Binda souligne qu'il demande le respect de l'homme pour l'homme et non l'amour, Binda souligne que dans une démocratie, je cite, « chaque personne y étant inviolable à toutes les autres, se trouve armée à leur égard de la faculté de les contraindre au respect d'elle-même ». Qu'en conséquence, la société exige l'existence, comme le dit Kant, d'une contrainte générale et réciproque, s'accordant avec l'inviolabilité de chacun. Doctrine du droit, introduction. Idée reprise par Renouvier, qui dans la science de la morale, à la fin, dit ceci, ayant posé que la foi démocratique enveloppe chaque personne d'une sphère de dignité moralement inviolable, Renouvier ajoute qu'elle lui accorde, lui impose au besoin, un droit de conservation de soi en même temps que le devoir du respect d'autrui. La démocratie a ici pour contraire ces systèmes où une certaine catégorie de citoyens s'assigne le droit à une activité exempte de freins aux dépens d'autres, dont l'unique champ d'action est de les servir. Une des fonctions de l'État démocratique est précisément, dit Binda, de faire observer à ses membres cette nécessité de limiter leurs besoins d'expansion inhérents à tout être vivant par la considération du droit d'autrui, autrement dit de faire observer à ses membres ce qu'il appelle la justice. Principe qui a pour conséquence, contrairement à ceux qui proclament que deux fonctions incombent à l'État, faire la guerre et rendre la justice, et que la première est de beaucoup la plus importante, qu'un théoricien de la démocratie dirait juste le contraire. Si la fonction la plus importante d'une démocratie est donc d'assurer non la guerre, mais la justice, on voit tout de suite ce que la démocratie entend par justice. C'est le fait de reconnaître certains droits à la personne humaine par la seule raison qu'elle est une personne humaine. Cette conception oppose nettement la démocratie à d'autres régimes qui appellent justice le fait de n'accorder de droits qu'à certains hommes en raison de leur naissance, de leur race, de leur classe ou d'une supériorité individuelle plus ou moins démontrée. Les élites, les supérieurs intellectuels, etc., et non à la personne humaine prise en soi seule, laquelle comme telle ne mérite selon eux point de considération. La démocratie en tant qu'elle confère une valeur au seul fait d'être humain a donc une première caractéristique, dit Binda, c'est d'être égalitariste. Mais, et la précision me semble tout à fait importante, reste à savoir, commente Binda, ce qu'on appelle être humain et si cela seulement présente les caractéristiques anatomiques de l'humanité. Il reviendra plus loin sur ce point, mais vous le voyez, se laisse entendre qu'il envisage le cas où le principe égalitariste de la justice ne s'applique pas dans des cas où, par exemple, certains se seraient retranchés eux-mêmes de l'humanité. J'y reviendrai. S'agissant à présent des rapports de l'État avec les citoyens. Le principe du respect de la personne s'exprime par le dogme selon lequel la société, dont l'État se veut le commettant, consiste en un ensemble de personnes distinctes, revêtues d'un caractère sacré en tant que personne, non en une entité mystique et indécomposable, l'État Moloch, où par définition la notion de personne disparaît. Comme dans cette maxime inscrite sur tous les murs des établissements nazis, « Du bist nichts, dein Volk ist alles ». Ou encore, selon lequel l'élément primordial de la société est l'individu, la société est en fait pour l'individu, comme le dit Kant, l'État est le tout par rapport à ses membres, doctrine du droit, deuxième partie, et non la société elle-même, laquelle serait préexistante aux individus et transcendante à eux. La conséquence de ce dogme est que la démocratie crée au sein de l'État des droits de l'individu qui ne sauraient être violés au nom de la raison d'État et qui vont chez certains peuples jusqu'au droit d'attaquer l'État. La démocratie est donc, deuxième caractéristique, essentiellement individualiste. En tout cas, dit Binda, elle est caractéristique de la conception française de la démocratie qui, hormis Bonald ou Auguste Comte, a toujours préféré, dit-il, une vision rousseauiste à une vision hegelienne de l'État qui ignore l'individu. Rousseau, quoique prétendent certains de ses adversaires, ne prêche nullement l'État Moloch. La volonté générale qu'il exalte dans son contrat social est une somme de volonté individuelle. Or, le dogme selon lequel les droits de l'individu préexistent à la société est un de ceux qui opposent le plus radicalement nos démocraties modernes à celles de l'Antiquité. Dans ces dernières, on ne douta jamais que l'Assemblée souveraine pût disposer à son gré et en toutes circonstances, du moins par des lois générales, de la vie, des biens, de la liberté, voire des croyances des citoyens. La conception moderne implique en conséquence quelque chose que nos démocrates ne voient pas toujours, mais qu'avaient vu parfaitement Sieyès, savoir que la souveraineté nationale n'est pas illimitée, mais a précisément pour limite les droits de l'individu. À certains auditoires démocratiques pourraient encore s'adresser ces paroles que Sieyès prononçait devant la Convention en juillet 1785, que rappelle Binda. Ce mot de souveraineté nationale ne s'est présenté si colossal devant l'imagination que parce que l'esprit des Français, encore plein de superstitions monarchiques, s'est fait un devoir de le doter de tout l'héritage des pompeux attributs et des pouvoirs absolus qui ont fait briller les souverainetés usurpées. Et moi, je dis qu'à mesure qu'on s'éclairera des temps où l'on a cru savoir quand on ne faisait que vouloir, la notion de souveraineté rentrera dans ses justes limites. Car encore une fois, la souveraineté du peuple n'est pas illimitée. La fin de tout établissement public est la liberté individuelle. Autant dire que pour Binda, la position démocratique qu'exprime ici Sieyès est celle qui s'exprime par la thèse de l'État contrat, selon laquelle le citoyen, en tant qu'en retour de ses devoirs envers l'État, celui-ci a des devoirs envers lui. Binda reprend donc le thème tocquevillien de l'État contrat en tant que formulé et tel qu'il est inscrit en termes saisissants dans la Déclaration des droits de l'homme et qui n'est point, comme on le croit souvent, du reste, dit Binda, de provenance française mais américaine et plus exactement anglaise et puritaine et qui a eu sa première expression historiquement dans le pacte populaire Agreement of the People des soldats de Cromwell, pacte qui comportait en 1667 la notion des droits de l'individu en face de ceux de l'État. La thèse de l'État contrat fait donc partie intégrante, martèle Binda, de toute constitution démocratique, de même qu'elle est essentiellement répudiée par les adversaires de ce genre de système, et Binda de rappeler ces phrases fameuses de la généalogie de la morale, j'ai prononcé le mot État, il est aisé de concevoir ce que j'entends par là, une horde quelconque de blondes bêtes de proie, une race de conquérants et de maîtres qui, avec son organisation guerrière doublée de la force d'organiser, laisse sans scrupule tomber ses formidables griffes, sur une population peut-être infiniment supérieure en nombre, mais encore inorganique et errante. Telle est bien l'origine de l'État sur la Terre. Je pense qu'on a fait justice de cette rêverie qui faisait remonter cette origine à un contrat. Citation. Donc, prenez la théorie de l'État pour la démocratie. C'est bien sûr associer ce respect de la personne dont l'État démocratique fait en principe la marque de ses rapports avec les citoyens, avec le respect donc de leur liberté en tant que la liberté est la condition sine qua non de la personne ou une catégorie de la conscience étant entendue comme un synonyme de personne, comme c'est le cas évidemment chez Kant. On peut même dire que dans son principe, la démocratie est le règne des consciences. Bon, évidemment, bon, je passe sur certains aspects, notamment cite certains textes de Mussolini, vous imaginez que nous sommes en 39-42, qui sont le contraire exact, évidemment, de cette définition de la liberté. En tout cas, parler de la liberté au sein de la démocratie moderne, c'est donc bien voir non seulement qu'elle n'a rien à voir avec celle qui évoque le fascisme, mais rien à voir non plus avec celle qu'elle était dans les républiques antiques, où loin de se définir, comme dans l'acception moderne, comme la jouissance de l'indépendance personnelle, elle consistait pour celle-ci dans l'exercice de la souveraineté sur la place publique. Et Binda de rappeler les définitions de Constant, être libre, c'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de la propriété, d'en abuser même, d'aller, de venir, sans en obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs et démarches. C'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. C'est de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. On voit par quoi la liberté des modèles s'oppose à celle des anciens, pour qui la liberté consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté entière, à délibérer sur la place publique, de la guerre, de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, prononcer les jugements, examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre. En revanche, comme le montre Benjamin Constant, On ne trouve presque rien chez les anciens qui rappelle ces jouissances personnelles de la religion, de l'opinion impliquées dans la liberté moderne et qui expriment au fond le principe foncier de la souveraineté des consciences. Mais ce respect des consciences est bien un respect de la faculté de jugement de chacun. La considération de l'État démocratique pour la liberté humaine apparaît notamment, rappelle Binda, en ce qu'il honore la partie libre de l'homme, je veux dire celui où il agit selon l'ordre de son jugement, de sa raison, de sa faculté de choisir, alors que d'autres systèmes n'entendent faire état que de sa partie fatale, c'est-à-dire déterminée par des composantes biologiques ou autres, sur quoi sa volonté est sans pouvoir. C'est ce qui se voit notamment par la manière dont la démocratie conçoit la nationalité de l'individu. Elle la conçoit comme l'effet d'une libre résolution de son jugement, alors que pour les systèmes contraires, elle est commandée par sa race, par sa langue, par son passé historique ou autres facteurs inéluctables, sur lesquels les arrêts de sa raison ne peuvent rien. On pourrait dire encore que la démocratie entend définir la nationalité de l'homme par la partie claire et consciente de celui-ci, non par sa région sombre et purement charnelle, ou encore qu'elle en veut une définition rationnelle non romantique. Page 34. Comme le rappelle Binda, la conception démocratique de la nationalité s'est affirmée avec une netteté particulière en France par la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, où une collection d'hommes déclarés appartenir à la même nation, non pas parce qu'ils relevaient d'une même race, les races les plus diverses, celtes, latins, wallons, s'y conjoignaient, non pas parce qu'ils parlaient la même langue, breton, alsacien, basque, comprenaient à peine leurs compatriotes, mais parce qu'ils se proclamaient adeptes d'un même idéal. En d'autres termes, où ils affirmaient que c'est la partie consciente de l'homme qui décide de sa nationalité et non sa physiologie, ou quelque attribut où sa volonté n'a point de part. Position, conception qui avait été formulée par Renan dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» 1882. « Qu'est-ce qui fait une nation ?» se demande Renan, sa dynastie. Les États-Unis et la Suisse n'en ont pas. La France a renoncé à la sienne. La race, elle eut jadis une importance capitale qu'elle a perdue depuis la formation de l'Empire romain et le triomphe du christianisme. Car l'histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La langue, elle invite à se réunir, mais n'y force pas. Elle n'a pas empêché les États-Unis de se séparer de l'Angleterre ni l'Amérique latine de l'Espagne. La religion, elle dominait les groupes sociaux jadis, aujourd'hui elle est devenue affaire de choix individuels. Des frontières naturelles, les montagnes, les fleuves, tantôt séparent, tantôt réunissent. Et Renan conclut, une nation est une âme, un principe spirituel. Il compte parmi les éléments de ce principe le sentiment d'avoir fait de grandes choses et la volonté, dit Binda, d'en faire encore, sans assez préciser toutefois que pour la démocratie, ces grandes choses, ce qu'il reproche à Renan, ne comportent pas l'agrandissement territorial, ni d'une manière générale, aucun avantage dû à l'abus de la force. Page 36. Le respect de l'État démocratique pour la liberté humaine paraît encore dans le fait que le citoyen ayant satisfait aux obligations de l'impôt et du service militaire, l'État lui laisse la libre disposition d'une grande partie de lui-même dès l'instant qu'il n'use pas de cette liberté pour le détruire. Éducation de ses enfants, choix de son culte religieux, droit d'adhérer à des groupes philosophiques, voire politiques, non conformistes. Il admet qu'une fois ses obligations remplies, il se désintéresse entièrement de la vie publique, en se livrant par exemple à l'art ou à la pure pensée. On pourrait dire encore que le système démocratique respecte la liberté de l'individu par le refus qu'il fait d'interposer entre l'individu et l'État certains pouvoirs corporatifs ou corps intermédiaires. Le respect de l'État démocratique pour la liberté humaine s'exprime encore, dit Binda, par le dogme de la circulation des élites, qui pose la faculté pour l'individu d'élever sa condition sociale, alors que d'autres systèmes entendent l'immobiliser dans celle où il est né. Comme vous savez, Binda, compagnon de route du Parti communiste, laquelle serait déterminée à jamais par des lois aussi immuables que celles de la pesanteur ou de l'optique. Ici, l'on peut dire qu'un des caractères de la démocratie et de vouloir que l'homme soit maître de son destin. En quoi elle s'oppose ponctuellement à une institution qui le veut pur instrument de la volonté de Dieu, dont elle se déclare l'exécuteur ici-bas. Cette opposition nous permet de marquer un trait qui signale la démocratie et dont nous verrons d'autres exemples, le laïcisme, encore que par la plupart de ses principes, la démocratie soit en accord avec le christianisme. Page 40. Une autre face du respect de l'État démocratique pour la liberté humaine et son acceptation de l'idée de bonheur, en tant que le bonheur consiste pour l'individu dans le libre exercice de ses activités, exercice que l'État n'admet bien entendu qu'autant que compatible avec l'existence de la société. La prétention de l'homme au bonheur est évidemment un gros obstacle pour ceux qui entendent l'asservir et ils l'ont compris. La démocratie se trouve également en opposition, dit Binda, ici, avec la religion de la souffrance qui fut pratiquée, du moins pendant longtemps, par toute une littérature romantique. Le respect de la personne, inscrit par la démocratie, donc dans les rapports de l'État avec les citoyens, apparaît encore dans le principe de la souveraineté nationale, selon lequel le gouvernement est exercé par des représentants de la nation, élus, contrôlables et révocables. Le contre-pied de ce système étant celui où le gouvernement, émanant d'une volonté externe au choix des citoyens, voire de la volonté de Dieu, se sert d'eux comme d'un instrument pour des fins dont il est seul juge et par des actes dont il ne leur doit pas de compte. Le respect de la personne dans les rapports de l'État avec les citoyens a pour effet de conférer à ceux-ci le droit de critique envers le gouvernement, de discussion de ses actes, soit une liberté d'opposition, ce que l'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, une liberté de contestation. La démocratie va même, ou doit même aller jusqu'à tolérer chez tel d'entre eux, voire à s'y plaire, une attitude de subversion à son égard, dès l'instant qu'elle s'accompagne, dit Binda, d'esprit et de talent littéraire. C'est là une forme de la considération dont jouit auprès d'elle l'activité intellectuelle spéculaire, nous dit l'auteur de La trahison des clercs et de La France byzantine. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie comme espace des raisons. S'agissant maintenant des rapports de l'État avec les autres États à présent, Binda condamne fermement ce qu'il appelle le machiavélisme. Brièvement, page 50, dans les rapports de l'État avec les autres États, le respect de la démocratie pour la personne humaine s'affirme par son désir d'une morale internationale et d'un organisme propre à le garantir, morale par laquelle les petits seraient assurés de l'inviolabilité autant que les grands, du seul fait qu'ils sont des personnes humaines. C'est une amorce de ce désir qui paraît dans le décret de la Constitution française de 1791. La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. D'une manière générale, dit Binda, si on prend le mot « intelligence » en un sens uniquement pratique, proprement machiavélique, on peut soutenir que la démocratie étant morale n'est pas intelligente. Page 50. Revenons alors aux principes démocratiques, dans l'ordre cette fois spirituel. Les principes démocratiques, nous venons de voir, sont donc des commandements de la conscience, non des enseignements de l'histoire ou de la coutume. Dans l'ordre spirituel, donc, vous comprendrez la phrase, la caractéristique de la démocratie, c'est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu, supérieures à tout intérêt individuel ou collectif, valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité, la raison. La démocratie s'oppose ici, dit Binda, à ces systèmes pragmatiques selon lesquels, au contraire, le seul critère du juste ou du vrai pour une proposition est l'avantage qu'en tire le groupe qu'il sert. C'est parce qu'il avait justement la lecture que faisaient certains fascistes à l'époque du pragmatisme dans une perspective vulgaire. Le vrai, c'est l'utile. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, et justement, c'était une des raisons pour lesquelles Mussolini trouvait que le pragmatisme, ça pouvait être très très bien. Bon, alors donc, pour les uns la nation, pour les autres la classe, ces systèmes n'admettant comme souveraineté que la souveraineté du but. Or, on peut dire que dans l'ordre spirituel, les valeurs honorées par la démocratie le sont en tant qu'éternelles, transcendantes aux circonstances, alors que celles du pragmatisme sont déterminées par les circonstances et variables avec elles. Au terme du kantisme qui distingue entre la forme d'une attitude morale et sa matière, c'est-à-dire entre son idéal et l'objet auquel il s'applique, on peut dire que l'attitude morale de la démocratie est donc essentiellement formelle. On sait que cette philosophie ne tient une attitude pour vraiment morale que si elle est exclusivement formelle. Il suit de là que les principes moraux de la démocratie sont des commandements a priori de la conscience, aucunement des obédiences à la nature ou à l'histoire, non plus que des enseignements de l'expérience ou de la coutume. La démocratie a pour dessein d'être une victoire sur la nature et sur l'histoire. On pourrait dire encore que les valeurs démocratiques, en tant que ne reposant pas sur l'expérience, dit Binda, sont des abstractions. Et en effet, les adversaires du démocrate lui reprochent constamment de se repaître d'abstractions, d'être un métaphysicien, chose dont celui-ci refuse en général de convenir, ne comprenant pas que la volonté de substituer au culte des faits le culte d'être de raison est précisément sa définition. Tout cela ne veut nullement dire, par ailleurs, que la morale démocratique ne puisse consulter la nature, mais qu'elle doit la dépasser. Elle prendrait assez bien pour devise le mot de Malebranche « Il faut autant qu'on peut faire servir la nature à la grâce », mais qu'on se souvienne toujours que la nature ne justifie pas. Morale 1, 7, 17. Un aspect de la démocratie parent du précédent est la liberté qu'elle dispense aux activités dès lors désintéressées, et en tant que telle, distincte des activités purement naturelles, et donc à l'art, à la science, à la littérature, à la spéculation religieuse ou philosophique, toute chose que d'autres régimes embrigadent au service de la nation ou d'un système social ou politique. On pourrait même soutenir que la démocratie place ses activités de luxe au-dessus de toutes les activités pratiques, fût-ce les plus hautes, si l'on juge par les honneurs qu'elle confère à ses desservants de son estime suprême. Donc, la démocratie, vous l'aurez compris, est essentiellement, doit être, idéaliste, le sens étant entendu comme nous venons de l'expliquer. Tels sont donc, dans leur substance, les principes distinctifs de la démocratie, dont on remarque en effet qu'ils sont essentiellement adaptés, dit Binda, à la paix. Inutile de faire remarquer si cette conception inflige à la démocratie une infériorité ou cas où il lui faut soutenir une guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre un État qui adopte l'autre, et si c'est une épreuve qu'il faut surmonter, d'abandonner alors momentanément ses principes. Donc, précisément, c'est parce que la réflexion qu'il veut mener est celle d'un homme qui veut essayer de répondre aux menaces de la démocratie en état de guerre, qu'il en vient à développer donc un certain nombre de remèdes, ou en tout cas de ce qu'il croit pouvoir être, si vous voulez, des manières en tout cas de concevoir, de se protéger peut-être de certains abus et qui entourent quelquefois le sens que l'on donne à la démocratie et à ses principes. Examinons en effet l'abus dont peuvent faire l'objet les principes démocratiques et donc l'épreuve à laquelle est soumise en temps de guerre les démocraties. Binda est sensible au fait que, je le cite, « l'abus des principes de la démocratie porte principalement sur ses principes politiques et peut constituer un grave danger pour la nation. L'abus de ses principes spirituels est également à craindre, mais n'est en guerre possible qu'à des hommes sensibles à l'idée. Il incarne une menace incomparablement moins directe et pressante », dit-il, page 74. L'abus des principes politiques de la démocratie peut, selon lui, se ramener à trois chefs. L'abus du principe individualiste, deuxièmement, l'abus du principe de la souveraineté, troisièmement, l'abus du principe égalitariste. Faut-il rappeler, dit Binda, que le mouvement niveleur ne fait nullement partie de l'idéal démocratique, lequel ne veut l'égalité que devant la loi et devant l'accessibilité de tous au poste de la nation, que l'on peut rapprocher de ce que Bernard Manin écrit, par exemple, sur le fait que pour Aristote aussi, l'égalité ne peut pas être arithmétique, mais seulement géométrique. Mais il y a peut-être en effet chez le peuple français, dit Binda, un véritable fanatisme endémique et antisocial de l'égalité. Page 97. Enfin, on peut voir un abus du principe égalitaire dans le suffrage universel, en tant qu'il accorde la même puissance de vote à un faible d'esprit, à un grand penseur, à un frôleur du bagne, à un archétype de moralité, alors que la démocratie veut qu'à tous les citoyens, on donne une part dans le gouvernement de la cité, mais non peut-être une part égale. Autrement dit, pour Binda, vous voyez, le principe eslundien, n'est-ce pas, n'est pas forcément, enfin, le risque de l'épistocratie n'est pas forcément quelque chose dont il considère que nous devons absolument nous inspirer, peut-être notamment en raison justement de la capacité qu'il a pu observer dans l'époque qu'il traverse, de la force de la propagande, des moyens dont en effet les esprits qui n'ont pas encore réfléchi se laissent séduire par la rhétorique, par etc. Enfin, voilà. Bon, donc évidemment, ceux qui défendent à ce moment-là un principe un peu de cette nature, c'est ceux qui sont bien conscients des effets que cela peut produire sur des esprits qui sont un peu fragiles, vous voyez, les idéologies, on sait à quel point elles ont été dévastatrices. Bon, mais il emploie aussi cet argument pour justement, en même temps, renforcer, si vous voulez, la représentation des minorités. Dans le même sens, dit Binda, on peut se demander si la réelle démocratie veut que la représentation de l'ensemble des citoyens appartienne uniquement à ceux dont les votes furent les plus nombreux, s'il ne serait pas plus juste que les minorités y figurassent à proportion de leur importance. Bien. Donc, l'abus des principes spirituels à présent de la démocratie consiste essentiellement à exiger de l'État qu'il applique les principes absolus dont nous avons vu que le respect caractérise ce système, même dans le cas où cette application apparaîtrait de nature à compromettre, dit Binda, l'intérêt général. Par exemple, qu'il fasse rendre justice à un innocent injustement condamné. Pense évidemment à l'affaire Dreyfus, pour lequel il avait été, évidemment, il s'était énormément engagé dans les pros, évidemment. Même si cette réparation peut entamer le prestige de l'autorité préposée à la défense nationale ou qu'il fasse respecter le droit des peuples, même si sa force militaire n'est pas expressément reconnue suffisante pour son intervention. Alors comment se manifeste en général l'opposition aux principes démocratiques en eux-mêmes, indépendamment de leurs abus? L'attaque contre les principes démocratiques en eux-mêmes est en général, dit Binda, menée au nom de divers esprits, dont plusieurs d'ailleurs peuvent coexister chez le même homme et qu'on peut énumérer comme suit. 1. L'esprit de conquête. 2. L'esprit sacerdotal. 3. L'esprit de classe. Et 4. L'esprit artistique. L'esprit de conquête, en tant que les principes démocratiques sont adaptés d'essence, nous avons vu, à l'état de paix dans son esprit, et qu'aucun d'eux ne saurait justifier l'accroissement d'un groupe aux dépens d'autrui. L'esprit de conquête est donc leur adversaire né, page 108 et suivante. Au nom de l'esprit sacerdotal, ensuite, si l'on désigne sous ce nom l'esprit selon lequel un petit groupe d'hommes passe pour avoir reçu de Dieu la révélation de la vérité et par suite possède seul le droit de gouverner l'humanité. Cependant que ce caractère leur vaut par lui seul le premier rang dans la cité et les élève au-dessus de la loi. On voit qu'un tel esprit, soit par l'instinct de conservation plus élémentaire, s'oppose de toute sa force à un système qui se fonde sur le droit de discussion des gouvernés, leur volonté de n'obéir qu'à une loi portée par eux-mêmes, leur refus de placer quiconque au-dessus de cette loi. Troisièmement, donc, opposition au nom de l'esprit de classe. Ici, c'est une catégorie de citoyens décidés, en raison de leur fortune, à détenir seuls le pouvoir dans l'État et à se servir des autres comme instrument, qui se dresse nécessairement contre un dogme dont les articles vitaux sont la participation de tous au gouvernement et le caractère sacré conféré à la personne humaine, quelle qu'elle soit. Là encore, l'attaque vise non pas les abus de la démocratie, mais bien, dit Binda, son essence même. Quatrièmement, enfin, au nom de l'esprit artistique. Alors là, je vous laisserai lire des pages savoureuses de Binda contre ce qu'il appelle le primat de la libido sentiendi, qui fait qu'en général, les artistes considèrent que l'idéal démocratique repose trop sur des idées, repose trop sur la raison, ne fait pas assez de place aux métaphores, au beau, à la sensibilité, et par conséquent, n'est pas véritablement quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Bien. Binda a même les griefs qu'il a contre les artistes, c'est assez savoureux. On peut dire qu'à de nombreux titres, l'artiste est un ennemi organique de la démocratie, pour ces raisons-là, puisqu'il voit dans la libido sentiendi un obstacle majeur contre la défense de la démocratie, tandis que le philosophe, avec son effacement de l'accidentel devant l'universel, en serait assez naturellement partisan. Bon, donc je laisse de côté ces aspects quelquefois un peu, mais enfin, c'est vrai que, en tout cas, ce qu'il veut essayer de stigmatiser là-dedans, c'est l'espèce de, évidemment, d'appétence que vous avez aussi, que vous voyez très bien dans une certaine Schwärmerei germanique, etc., pour le primat de la sensation, de l'émotion, du sentiment, qui est pas forcément la meilleure manière de protéger, en quelque sorte, les uns et les autres de, justement, de l'idéologie et des instruments de pression. Or, voici ce que dit Binda, le véritable ennemi des principes démocratiques, c'est la libido sentiendi, dont la libido dominandi n'est qu'un aspect. Chose naturelle, puisque leur essence, nous l'avons dit, du point de vue politique, ajoutons-le du point de vue de l'art, est l'ascétisme, page 124. Alors, à partir de là, et je conclurai donc par ces quelques remarques, Binda pense qu'il y a quand même quatre idées fondamentales dont il faut absolument se déprendre si l'on veut parvenir à une défense authentique, notamment en temps de guerre ou en état d'urgence, si vous voulez, de la démocratie, si l'on veut parvenir à ce qu'il appelle le redressement nécessaire de ce concept. Ce sont quatre idées, dit-il. Le faux libéralisme, le faux pacifisme, le faux universalisme, le faux rationalisme. Quelques mots du faux libéralisme. C'est celui d'après lequel la démocratie devrait la liberté d'action à tous ses membres, y compris ceux qui travaillent ouvertement parfois de leur propre aveu à la détruire. Ce libéralisme est naturellement exigé de la démocratie par ses ennemis. C'est lui qui l'assomme d'observer quand il lui donne l'assaut. Avouez donc leur lancer un ministre de la République, c'était ces Gambetta, lors de leur tentative insurrectionnelle du 16 mai. Avouez donc que selon vous, il n'y a que la République qui ne soit jamais en état de légitime défense. On dirait qu'indignés, ils clament aux démocrates refusant de tendre le cou à l'égorgeur. Vous trahissez votre engagement qui était de ne point vous défendre. Toutefois, chose plus curieuse, ce libéralisme est exigé aussi de la démocratie par certains démocrates, leur thèse étant que si la démocratie se met à refuser la liberté à ses adversaires, elle devient identique au régime dont elle prétend différer. C'est une position qui, dit Binda, n'est pas tenable en état de guerre et qui consiste à s'imaginer que la démocratie est un corps céleste et non pas une chose terrestre. Une chose terrestre, dit Binda, qui doit se défendre contre qui ne songe qu'à la détruire. Je tiens que ce libéralisme extatique ne fait nullement partie de la définition de la démocratie et qu'on n'en trouve d'ailleurs mention dans aucun de ses statuts. Ce qu'on y trouve au contraire, c'est que la démocratie étant une chose terrestre est parfaitement semblable aux autres régimes en ce qu'elle entend comme eux rendre son existence aussi solide que possible et la défendre contre ce qui la menace. Qu'en d'autres termes, elle entend pratiquer la part d'intolérance qu'exige nécessairement tout organisme qui veut vivre à l'égard de ce qui tend à l'en empêcher. C'est ce que toutes les démocraties ont exprimé en promulguant les lois les plus sévères contre les citoyens qui s'emploieraient à changer la forme du gouvernement. Je souscris donc pleinement, dit Binda, aux paroles suivantes. Si l'un des deux grands partis se fonde sur les vraies notions morales et sociales et que l'autre nie, celui-là possède la conscience vraie dont le second n'a que l'apparence. Il a donc et il a seul un droit réel et un devoir réel d'intolérance qui se confondent avec le droit et le devoir de conserver et de défendre les premiers principes et intérêts de la personne et de la société. Et c'est aussi ce que disait Renouvier dans La science de la morale au chapitre 63. Et Benda dit, mais simplement, il se fait que cette position implique que si on juge l'adversaire vraiment dangereux, eh bien alors on devra agir pour l'empêcher de nuire, bien que, dit Benda, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'un gouvernement n'a peut-être pas toujours le sens exact du degré de danger que présente l'opposant. On nous dit, si vous refusez la liberté à ceux qui agissent contre vous, vous vous identifiez au fascisme. Il y a en effet, dit Benda, quelque chose de commun entre nous et le fascisme, c'est la volonté d'exister. Page 137. Vivre n'est pas toujours élégant. Du faux pacifisme, vous voyez bien justement pourquoi ceci est en partie lié à la première idée, c'est qu'en effet, bien que Benda ne cesse de défendre l'obligation morale pour la démocratie de viser la paix, il condamne tout aussi bien, aussi, si vous voulez, le pacifisme qu'il appelle humanitariste. Il s'était violemment opposé notamment au philosophe Alain, qui prônait un pacifisme absolument intégral, précisément parce qu'il est des cas où il considère qu'être pacifiste, eh bien, c'est adopter une position qui ne permet pas de répondre à certaines obligations qu'ont les démocraties, justement, quand elles sont menacées, de se défendre. Donc, évidemment, ce qui est important, le pacifiste loup pose comme principe premier la vie humaine. Si la démocratie, c'est d'abord la défense de la liberté humaine, alors en effet, il est des cas où la vie humaine, en effet, doit compter moins que la défense de la liberté. Si l'on appelle humanitarisme le dogme qui place la vie humaine au-dessus de toute valeur, on peut dire que l'erreur ici en cause est de croire la démocratie humanitariste, alors que du fait qu'elle tient ses principes pour des biens plus précieux que la vie humaine et pouvant en exiger le sacrifice, la démocratie n'est point humanitariste, encore qu'elle préférera, bien entendu, pouvoir maintenir ses principes sans verser le sang humain. Dernier point, enfin, faux universalisme, c'est un point encore important. Faux universalisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est celui qui consiste à conférer la qualité d'homme, c'est un point que nous avions observé, vous vous souvenez au début, avec les droits qui s'y rattachent à toute créature dès l'instant qu'elle présente les caractères physiologiques de l'espèce humaine, sous la seule condition qu'elle ne soit point déchue de ses droits par l'arrêt des tribunaux, qu'on peut taxer d'une justice aveugle, en ce sens qu'elle applique mécaniquement une loi et ne s'enquiert point de cette chose si capitale en ce qui regarde les rapports mutuels des hommes, la moralité des âmes. On sait que cet universalisme est une cible cardinale des adversaires de la démocratie à laquelle ils font honte, non sans trouver d'écho même au-delà de leur parti, de considérer l'humanité sous une dégradante uniformité, de faire la même place à l'homme armé et à l'illettré, aux nations civilisées et aux peuplades barbares. Là encore, cette école ne veut pas comprendre que la démocratie ne pose d'universalité entre les hommes ou entre les nations que du point de vue des droits à l'inviolabilité, qu'une fois ces droits admis pour tous, elle ne s'offense nullement de la différence des rangs tenus par les uns et les autres et que justifie la différence de leurs mérites. Mais surtout, ce que cette école omet de dire, c'est qu'elle n'accepte point que tous les hommes aient droit à l'inviolabilité, mais veut que la civilisation comporte pour celui qui la détient, ou du moins le croit, individu ou peuple, le droit d'imposer le joug à qui en est dénué. Il est certain qu'un anti-universalisme de cette sorte est strictement contraire à la démocratie, qu'il n'a été soutenu par aucun adepte de ce système, appartient-il lui-même le plus lumineusement et le plus consciemment à l'élite comme un Lamartine, un Michelet ou un Renan. Ajoutons qu'il est curieux de voir des Français admettre ce droit des nations supérieures, alors que c'est au nom de ce thème qu'en 1870, et plus récemment, une nation voisine a violenté le leur. Mais si cette restriction à l'universalité est donc contraire à la démocratie, il en est une autre, dit Benda, qui, bien qu'elle n'y soit point expressément inscrite, nous semble en faire logiquement partie. C'est celle qui consiste à tenir pour homme, avec les droits afférents à cet égard, non pas la totalité des êtres, offrant une certaine structure anatomique, mais seulement parmi eux, ceux qui, ayant su former le concept des droits de l'homme, entendent les respecter chez autrui et en exclure ceux qui, ne concevant entre humains que des rapports de force, ne visent qu'à exterminer les miliciens de ces droits. L'universalisme, étendu sans distinction à tous les hommes et à tous les peuples, nous semble une idée introduite dans la démocratie par pur sentimentalisme, comme celle du libéralisme extatique que nous dénonçons plus haut. Tout comme ce faux libéralisme, ce faux universalisme doit être chassé de l'idée de démocratie, sous peine de mort pour ce système. Ces vues reviennent à dire que si la démocratie est tenue par essence à ne point faire état parmi les hommes de races biologiques, elle doit y admettre, dit Binda, des races morales, à savoir des groupes d'hommes qui ont su s'élever à une certaine moralité et à d'autres qui s'en avèrent incapables. Le mot « race » n'est sans doute évidemment pas ici tout à fait juste, rien ne prouvant que le bas niveau moral de ces seconds groupes est quelque chose de fatal et qu'il leur soit jamais impossible de le franchir. Toujours est-il qu'en attendant cet affranchissement, s'il doit jamais se produire, les premiers groupes ont pour devoir de ne point traiter avec les seconds sur pied d'égalité. Tout cela consiste encore à vouloir qu'à l'anti-égalitarisme prêché par ses adversaires et qui se fonde sur la différence de race ou de fortune ou de degré de culture, la démocratie répond non pas par l'égalité mais par un autre anti-égalitarisme qui repose sur la différence de valeur morale. Ou encore qu'à l'homme différent de lui-même, en tant que moral, par-dessus ses diversités, mais qu'elle oppose à l'homme dénué de moralité. Nous résumons ces vues en rappelant cette définition de Spinoza. Par vie humaine, j'entends non pas celle qui se définit par la circulation du sang et par les autres fonctions qui sont communes à tous les animaux, mais par la raison, par la véritable vertu et la véritable vie. Traité politique 5.5. Ajoutant que c'est à l'homme ainsi entendu et à lui seul que nous appliquons la loi d'égalité. Est-il besoin de spécifier que, dans cet anti-égalitarisme, le supérieur ne songera en rien à annexer l'inférieur ou à l'asservir, mais seulement à le tenir en tutelle et à l'empêcher de nuire. Là encore, la démocratie ne se fait nullement, comme on ne manquera pas de l'en accuser, l'identique des systèmes qu'elle déclare condamnés. Faux rationalisme, enfin. J'appelle ainsi, dit Binda, la position qu'on attribue non toujours à tort à la démocratie et selon laquelle tous nos objets de pensée, sans exception, doivent être matière à discussion. Aucun n'y pouvant figurer d'autorité à titre de dogme, aucun n'y pouvant constituer l'aliment de cette chose si puissante que possède tel système adverse, une mystique. Récemment, certains membres d'une démocratie vaincue expliquèrent sa défaite parce qu'elle manqua, déclarèrent-ils, d'une mystique, alors que son adversaire en détenait une particulièrement forte. Que le refus de placer aucune valeur au-dessus de la discussion soit un gage de mort pour un organisme assujetti à affirmer son existence, donc lorsqu'elle est menacée, cela nous semble évident. La question est de savoir si ce refus, dans le cas où on le constaterait dans telle démocratie, s'y trouve par corruption ou s'il lui est consubstantiel, s'il est inscrit dans son essence. Certains, d'ailleurs hostiles à la démocratie, l'assurent et qu'il est de sa loi de vouloir un rationalisme total, de ne reconnaître aucun terrain devant lequel la critique doit suspendre son action dirimante, de ne faire aucune place donc au sacré. Et ce rationalisme tous azimuts qu'Ebada nous dit, cette affirmation nous paraît fausse. La loi de la démocratie, lorsqu'elle est menacée en particulier, est de placer, comme tout système qui énonce un vouloir vivre, certains objets au-dessus de l'examen. Ces objets sont précisément le droit d'examen lui-même, et plus généralement le droit à la liberté, le primat de la justice et de la raison, la souveraineté nationale, bref, les principes démocratiques eux-mêmes. Ceux-ci doivent être pour la démocratie, comme le sont leurs principes pour les systèmes adverses, l'objet d'une mystique, la mystique démocratique. Il n'en demeure pas moins que la démocratie, évidemment, ne doit rien accepter que d'une démarche traditionnelle, y compris ses principes. Autrement dit, si nous voulons en effet pouvoir permettre à la démocratie, en période de guerre, lorsqu'elle est menacée, d'être fidèle à ce sur quoi elle doit fonder ses principes, c'est-à-dire non pas l'expérience, mais un certain nombre de commandements de la conscience, alors il faut mettre ces commandements de la conscience à l'abri, et donc ne pas les intégrer, vous l'aurez compris, à la délibération elle-même. Il faut vraiment qu'ils soient posés comme des principes fondateurs de l'exercice démocratique lui-même, sur lesquels il n'est pas de négociation possible. Autrement dit, évidemment, proclamer la supériorité de ces principes démocratiques suppose que ce que l'on a en vue ici, ce n'est pas un jugement de réalité, mais un jugement de valeur. Précisons bien les choses, dit Benda, nous n'entendons nullement que l'adhésion de la raison soit interdite aux principes démocratiques. Nous l'entendons si peu que nous opposons nettement la foi en ces principes à cette foi toute charnelle que certains professent pour leur patrie, se clamant résolu à la mettre au-dessus de tout, hors de tout raisonnement, qu'elle soit juste ou injuste, héroïque ou ignoble, comme l'amant exalte celle qu'il aime ou comme l'animal couvre sa portée, tel Barrès déclarant « Je donne toujours raison à ma patrie, même si elle a tort », ou Victor Hugo « J'aime mon pays comme une bête ». Non, ce que nous énonçons, dit Bada, c'est que, réduit au seul soutien de la raison, sans que s'y joigne un facteur passionnel, les principes démocratiques, en particulier lorsqu'ils sont menacés, sont impuissants à se défendre dans la guerre temporelle. Page 180. Et ce faisant, nous ne faisons qu'appliquer ici à la démocratie le mot de ce grand rationaliste qu'était Spinoza, selon lequel ce qui changera le monde, ce n'est pas l'idée du bien, mais la passion du bien. Une passion ne peut être vaincue que par une autre passion. Et on peut se demander, dit Benda, si en 1940, la démocratie française n'a pas dû son désastre à ce qu'on n'y connaissait plus, comme on l'y avait connu 150 ans plus tôt, la passion démocratique. Là encore, certains protesteront que si la démocratie veut que l'adoption de ses principes implique un acte de foi, elle ne diffère en rien au fond, des systèmes auxquels elle prétend s'opposer. On oublie que la vraie question est de savoir, là encore, au service de qui se veut cet acte de foi. Quant à refuser à la démocratie de comporter une mystique, c'est toujours la tenir pour un corps surhumain, étranger, aux nécessités de la défense. Bref, voir encore en elle une forme de corps céleste. Or, peut-être est-ce plus que d'interroger sur la légitimité de la démocratie que de la défendre, qu'il s'agit aujourd'hui de se préoccuper. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 29 mars 2017 Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie comme espace des raisons. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. La philosophe a notamment publié « Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste » aux éditions Itac en 2011. Je rappelle également sa leçon inaugurale, publiée chez Fayard en 2011 sous le titre « La connaissance métaphysique » et son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 et qui a reparu en 2016 augmenté d'une postface. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous débutons une nouvelle série et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.